il y a une particularité ici. Oui. Quelle est la particularité? Parce qu'il y a une chapelle? Oui. Ah, ben oui, mais c'est vrai que la chapelle, bien longtemps, il y avait messe tous les dimanches. Oui, mais la chapelle, vous l'avez, elle était avec la ferme. La chapelle, oui, était indistincte de la ferme. Dans les documents de partage, on parle jamais de la chapelle. En fait, c'est un champ de garnis, que c'est tout. Ah oui. Voilà. Mais la chapelle, ouais, elle vous appartient, elle appartient au Trélu. Voilà, voilà. Elle appartient pas à la commune, non, comme les autres. Non, non. Nous, François est l'un des propriétaires. De la chapelle. Oui, parce que quand avant, celui qui avait la ferme, il avait la chapelle avec. Ah d'accord. C'était comme ça. Et depuis que donc Pierre Talu, enfin ton grand-père, est décédé, ce sont ses deux fils, donc Jean et Xavier, ils avaient pris la ferme, non, la chapelle, oui, entre deux. Mm. Donc, ils étaient tous propriétaires. Et ils sont morts tous les deux à un an et demi d'intervalle. Oui, oui, oui. Donc, du coup, maintenant, ce sont les enfants, nous ici, donc c'est François et Anne qui sont propriétaires. Ah oui, de la chapelle. Et donc, ils cette chapelle. Moitié. Ouais. La moitié. Et cette chapelle, elle a été à l'origine donc de relations avec le voisinage, avec la, ouais, commune, avec le maire. Vous avez eu voilà, toujours des relations. Ouais. Tous les dimanches, il y avait une messe. Oui, il y avait messe. Oui, donc dimanche, tous les voisins venaient là, quoi. Ah oui, plus, oui, même les communes de Castres. Ils venaient. 5-6 km à la ronde. Oui, oui, oui. À pied. La messe était très tôt le matin. Ah oui. 7h ou 7h30. Il y avait un prêtre affecté là? Il y avait, non, un des vicaires de Briec et était, enfin, venait célébrer la messe donc le dimanche, et à une époque, ouais, il y avait catéchisme le jeudi. Oui. Ah, ah oui, sur place. Les enfants du quartier. Oui, sur place.